Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal du soir. Commençons par les grands titres. Clôture ce samedi du travail d'enrôlement des électeurs. Toutefois, cette dernière journée se faisait encore remarquer des personnes à la recherche de cartes nationales d'identité. La Fédération nationale des associations de défense et des droits de l'enfant, FENADEB, demande que les élèves qui ont été renvoyés de leurs établissements scolaires soient rétablis dans leurs droits. Le président de cette organisation dit qu'ils avaient été renvoyés pour ne pas s'être fait enrôler en vue des prochaines élections. Et à la fin de ce journal, vous aurez le droit à la chronique Art et Culture. Et aujourd'hui, on va vous parler du mannequinat. Et la mise en onde est assurée par Jean de Dieu Ndaïsenga à la présentation Aubin Niamour. Vous n'avez pas Isanga Nilo ? Vous ratez l'essentiel. Bienvenue. Et certains habitants de la zone Ebuyenzi en commune Mukaza de la mairie de Bujumbura se plaignent qu'ils n'ont pas encore reçu leur carte d'identité pour qu'ils puissent se faire enrôler pour le référendum prochain et le rendez-vous électoral de 2020. Le grand nombre de ceux qui sollicitent des cartes d'identité handicapent l'octroi de ces documents et ses habitants demandent à la Commission électorale nationale indépendante CENI de prolonger la période d'enrôlement, suivaient certains d'entre eux. Nous sommes ici pour rechercher la carte d'identité. La plupart d'entre nous viennent de passer presque des semaines ici. Moi, depuis ce lundi, je m'en suis fait inscrire et j'ai déposé tout le nécessaire ici à la zone Ebuyenzi. Mais jusqu'aujourd'hui samedi, je ne suis pas encore servi. Nous sommes très nombreux à ne pas avoir de la carte nationale d'identité. Et je demande qu'on prolonge la période d'enrôlement d'une ou deux semaines. Moi, je suis venu chercher une carte d'identité, mais il est difficile d'en avoir et cela est frustrant. Nous sommes fait inscrire auprès des chefs de quartier et ils nous ont dit de venir ici à la zone. Mais nous venons tous les jours depuis de cela des semaines. Nous ne voulons plus à nos activités quotidiennes normalement. Ils nous disent d'attendre, mais nous n'avons toujours les cartes d'identité. Nous demandons qu'on nous donne les cartes d'identité pour aller nous faire enrôler et pour avoir le droit d'aller voter. Ces gens sont ici pour demander les cartes d'identité afin qu'ils puissent se faire enrôler comme tant d'autres. Le problème est que ceux qui demandent des cartes d'identité sont nombreux. Nous demandons à la Commission électorale nationale indépendante de prolonger le délai d'enrôlement. Voilà ce que nous demandons. Et à ce propos, le président de la Commission électorale nationale indépendante a précisé que ce délai d'enrôlement ne sera pas prolongé. Pour Pierre Claverenday Chalier, ce n'est pas la faute de la CENI, mais plutôt de cette population qui n'est pas en ordre avec les pièces d'identité. Et il a aussi précisé que les enfants qui se sont fait enrôler avant l'âge requis n'auront pas le droit de voter au référendum constitutionnel. Il précise que la liste définitive de ces derniers sera connue après saisie des gens qui se sont fait enrôler au niveau national. Suivez-le. Lorsque l'enrôlement manuel se termine à l'intérieur du pays, dans les collines et dans les quartiers, nous faisons tout pour descendre sur Bujumbura tous les registres d'inscription et tous les carnets d'attestation d'inscription. Quelle est l'activité phare qui suit ? C'est la saisie informatique des données sur les électeurs. Lorsque la saisie informatique des données sur les électeurs est terminée. Elle va se faire au lieu dit Secores, où nous avons situé le centre de traitement des données. Eh bien, c'est le centre de traitement des données qui va nous aider à produire la liste électorale provisoire, laquelle, selon le code électoral, doit être remontée dans les collines et dans les quartiers pour affichage. Au moment où nous aurons la liste électorale provisoire, qu'on sera isolé, ceux qui vont voter en 2018 et voter en 2020 et ceux qui seront dans le fichier qui n'ont pas ou qui n'auront pas le droit de voter en 2018 mais qui seront déjà dans le fichier. C'est une technicité du logiciel qui va nous permettre d'isoler les deux catégories d'électeurs. Pierre Claver Ndaïchelié, président de la Commission électorale nationale indépendante. Et poursuivons avec ce journal. Plus de 500 élèves ont été renvoyés de différents établissements scolaires dans quatre provinces du pays, selon la Fédération nationale des associations de défense et des droits de l'enfant. Selon le président de la FENADEB, les directeurs de ces écoles voudraient les contraindre pour qu'ils aillent se faire enrôler. Jacques Nshimilimana trouve plutôt que ces autorités devraient passer par des enseignements civiques pour contraindre ces enfants et les laisser faire l'enrôlement volontaire. Suivez Jacques Nshimilimana. D'abord, au niveau de la FENADEB, nous tenons à informer l'opinion que jusqu'à présent, nous comptons plus de 500 élèves qui ont été renvoyés de l'école, surtout dans les provinces de Kayanza, Rutana, Bubanza et Gitega, et plus précisément dans la commune de Giheta, où plus de 250 élèves ont été renvoyés dans 8 établissements de la commune de Giheta. Donc c'est un phénomène qui commence à prendre une ampleur inquiétante, et nous demandons aux organisateurs de ce processus électoral, nous demandons également aux responsables de l'éducation dans les provinces, aux responsables des établissements scolaires, de ne pas abuser de leur pouvoir sur ces élèves. Participer aux élections, se faire inscrire, c'est un acte volontaire. C'est un acte volontaire. Il n'est pas un acte obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Donc, toute personne en âge de voter, toute personne qui a l'âge requis pour pouvoir participer au processus électoral peut décider de participer au processus électoral ou non. Donc, c'est un acte volontaire que ces élèves soient rétablis dans leurs droits. Seulement, les organisateurs de ces élections ne devraient pas accepter que les responsables des établissements renvoient les élèves pour la simple raison qu'ils n'ont pas participé au processus électoral, pour la simple raison qu'ils ne se sont pas fait inscrire. Mais au niveau de la FENADEB, nous encourageons ces élèves, pourquoi pas, à participer à ce développement du pays, donc à participer à ces élections pour pouvoir faire avancer leurs idées, pourquoi pas désigner des responsables du pays qu'ils souhaitent avoir. Et le chemin, il n'y a pas 1000 chemins, le chemin ce sont les élections. Donc les élèves devraient plutôt participer activement à ce processus et ne pas attendre qu'on les contraigne de le faire. Et les contraindre de le faire, c'est une violation grave de leurs droits. Isanganiro. Les autorités provinciales à Bubanza et les chauffeurs empruntant la route Bujumbura-Bubanza ne s'entendaient pas sur le prix du transport. Ces autorités demandent à ces chauffeurs de respecter le prix de 3 000 francs burundais par passager, mais ils font payer 3 500 francs jusqu'aujourd'hui. Space Caritas Kamanyana pour les détails. Un chauffeur d'Ino de Juma faisant le transport sur l'axe Bujumbura-Bubanza a été arrêté ce vendredi et relâché quelques minutes après, mais son véhicule reste garé tout près de la position policière de Manda. Il est accusé d'avoir fait payer à l'administrateur de la commune Manda plus d'argent qu'il ne devrait payer, comme le précise le vice-président de l'association des transporteurs de Bubanza. Douimana Moïse fait savoir que les autorités provinciales ont fixé un même prix pour les véhicules de type IAS et pour ceux de type taxi, alors que ça ne devrait pas être les mêmes. Il reconnaît le prix de 3 000 francs par passager qui s'embarque dans le véhicule de type IAS et pas dans le taxi où les chauffeurs exigent 3 500 francs par passager. L'État avait fixé 2 970 francs, 30 francs à remettre aux clients serait difficile à trouver selon les transporteurs. Tarcisse Niyongabo, gouverneur de Bubanza, a dernièrement sorti un communiqué montrant les prix de transport. Ce communiqué est affiché sur tous les parkings jusqu'aujourd'hui, mais les conducteurs des taxis disent qu'ils risquent de travailler à perte s'ils mettent ces prix en application. Et selon les autorités provinciales, ce sont les sanctions qui vont suivre après la mise en garde. Spécialitas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro Chronique. <t'en> un certain poids du corps, une certaine taille de l'adresse et une démarche soutenue sont des éléments nécessaires pour devenir un bon mannequin, une profession qui crée des opportunités de voyage pour des fois bien représenter son pays à l'image de Hakim Ngengurutse, un jeune de 20 ans qui exerce ce métier en Afrique du Sud. Hakim invite et encourage d'autres jeunes Burundais qui ont le même rêve que lui de s'associer et prendre des initiatives dans leur quartier et surtout chercher des contacts qui pourraient les aider à se développer. C'est dans cette chronique art et culture qui nous sera présentée par Christian Savier. Le mannequinat est une profession qui demande du professionnalisme, beaucoup de travail et surtout faire attention à son corps. Ngengurutse Hakim est un jeune Burundais de 20 ans qui est déjà professionnel en Afrique du Sud. Il nous parle ici de sa profession. Est-ce que c'est un mannequin? Un mannequin porte de beaux vêtements, les valorise et fait de la publicité dans des spectacles. Son rêve s'est transformé en réalité grâce à l'aide d'un ami. Mon rêve est devenu une réalité grâce à un ami qui m'a connecté à une agence spécialisée dans le mannequinat qui m'a recruté car je répondais aux critères. Hakim Ngengurutse nous donne ici les critères pour être mannequin. Il faut être sportif pour rester en forme, de bonne taille, savoir bien marcher et bien se tenir lorsqu'on vous prend en photo. Son travail de mannequin lui donne des opportunités de voyage et de bien représenter son pays. Muri Afrika y'epfo, Namibie, amana Angola, et wangaba negreja kuja. J'ai travaillé en Afrique du Sud, en Namibie, en Angola, bientôt c'est en Europe et partout je représente ma chère patrie le Burundi. Hakim Ngengurutse nous parle ici de son dernier expérience. La dernière fois, j'ai été à Dar es Salaam où j'ai représenté le Burundi dans le Swahili Fashion Week Award. J'ai été nominé dans la catégorie de East African Model of the Year. Il y avait beaucoup de mannequins. Dans la chronique Art et Culture de samedi prochain, Hakim Ngengurutse va nous parler de son intérêt propre à lui en tant que mannequin. Merci à toi Christian Savier. Ainsi se referme ce journal. Tout de suite, vous allez suivre la revue de presse. Vue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Bon gré, mal gré, s'exclame-t-on à la une du journal Iwatch de ce vendredi, et c'est à propos de l'enrôlement des électeurs pour le référendum constitutionnel et les élections générales de 2020. Dans son éditorial, le journal relève les menaces, intimidations et harcèlement sur terrain, d'après une enquête menée au nord du pays. Des actes que dénonce naturellement l'opposition. D'après les réactions recueillies par cet hebdomadaire, le CNARED appelle tout simplement la population au boycott, ce que le CNDD-FDD considère comme sans effet face à un peuple uni et déterminé. De son côté, le premier vice-président de l'Assemblée nationale estime qu'au lieu de recourir à la persécution, il faut plutôt expliquer les valeurs du vote, allusion faite aux administratifs qui se substituent, qui à la police, qui à la justice. Cela frise la barbarie, lance Agathon Rwasa dans les colonnes d'Iwachu. et le premier vice-président de la République de rappeler que l'inscription au rôle d'électeur est volontaire, qu'aucune sanction n'est prévue par le code électoral à l'endroit de ceux qui ne veulent pas se faire inscrire et que la sanction est celle que s'inflige tout citoyen qui se prive d'exercer le droit civique. Dans tous les cas, pour l'éditorialiste de l'hebdomadaire, la Commission électorale nationale indépendante doit reprendre les choses en main, étant comme arbitre dans l'obligation de rappeler les gens à l'ordre sans parti pris. La crédibilité de tout le processus est à ce prix. L'avenir du Burundi est entre ses mains, conclut Iwachu. Contribution aux élections de 2020. Les enseignants s'en acquittent par intimidation. Selon le journal La Voix de l'enseignant, c'est avec la mort dans l'âme que les enseignants donnent la contribution aux élections qui s'ajoute à celle retenue sur leur salaire. Même si les responsables scolaires disent que cette contribution est volontaire, ils s'exécutent pour se prévenir contre les représailles éventuelles. Ils prennent cette précaution dans la mesure où les listes de ceux qui n'ont pas touché dans leur poche sont dressées au niveau de chaque école. Les enseignants croyaient que la retenue d'une partie de leur salaire suffisait comme contribution aux élections de 2020. C'est donc avec stupéfaction qu'ils ont appris de la part de leur directeur qu'ils doivent débourser une autre somme supplémentaire dénommée « contribution patriotique aux élections ». Les directeurs provinciaux de l'enseignement les plus zélés exigent la somme à payer en fonction des catégories. La Voix de l'enseignant déplore également qu'aucun reçu n'est délivré à celui qui paye pour question de traçabilité de la contribution. Revue de la presse. La Commission Vérité et Réconciliation donne un message aux hommes politiques et aux forces de défense et de sécurité. L'agence en ligne NetPress revient ici sur l'atelier qui a été organisé par la CVR du 13 au 15 février à l'intention des leaders des partis politiques et au corps de défense et de sécurité. Le président de la commission, Mgr Jean-Louis Nahimana, dit qu'il existe une interdépendance entre les hommes politiques et les corps de défense et de sécurité. Il estime que chaque fois qu'il y a eu des événements sanglants qui ont endeuillé le Burundi, les hommes politiques sont toujours derrière et les forces de défense et de sécurité sont obligées d'éteindre le feu qu'ils n'ont pas allumé. Monseigneur Jean-Louis a invité les participants à prendre conscience de leurs responsabilités pour édifier un avenir meilleur au peuple burundais. Pour lui, et comme repris par l'agence en ligne, il est important de toucher toutes les couches de la population burundaise, y compris celles qui ont pris le chemin de l'exil, afin de sauver le Burundi pour ne pas reverser dans les crimes du passé. Le métier de casseur de pierre est fatigant, mais rémunérateur, selon le magazine Burundi Echo. Dans la lutte pour la survie, plusieurs petits métiers se créent dans le secteur informel, dont celui de casseur de pierre. À longueur de journée, des gens cassent les pierres pour en faire du gravier. Avec l'argent obtenu de la vente de ce précieux matériau de construction, poursuit le magazine, ils pourront subvenir à leurs besoins. Pourtant, c'est un travail fatigant et risquant, mais rémunérateur. Exemple, un camion de type Ben rempli de pierres cassées coûte 30 000 francs bout, soit 17 dollars à en croire Burundi Echo. Des frais dérisoires au regard des efforts fournis et des risques qu'encourent les casseurs. Les pierres sont cassées sans la moindre protection. Ils les cassent à main nue et à la vue non protégée. Cependant, ces casseurs disent qu'ils sont habitués à leur métier, mais cela n'empêche pas que ces derniers soient fortement touchés. C'est le cas d'une femme qui est devenue borgne après qu'un éclat de pierre ait heurté son œil, mais elle affirme n'être pas prête à abandonner son métier. La communauté de blogueurs Yaga écrit sur la polygamie, un mal, selon elle, qu'on doit continuer à combattre. Un marathon de mariage s'est fait remarquer sur tout le territoire national après l'ultimatum qui a été lancé par le président de la République. Les couples vivant en concubinage avaient jusqu'à la fin de l'année 2017 pour régulariser leur union. Mais pour certains couples, envisager un mariage monogame est bonnement impossible au grand malheur de leur progéniture. Un gardien de chantier dans le quartier Kajaga est père de 4 enfants, nés d'une seconde épouse. Il a quitté sa colline natale et sa famille illégale dans la commune Mutimbuzi pour chercher du travail en ville. Maintenant, il ne peut se renvoyer sa femme illégitime car elle n'a nulle part où aller. Le plus triste, c'est que tous ses enfants sont nés et vivent dans les chantiers qu'il garde. Ainsi s'achève cette revue de presse qui vous a été présentée par... Jean Bosco Nduimana et Léonce Vitalio. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.